arc-en-ciel, un amour de FM. Bonjour à tous, il est toujours 13h32 minutes et puis juste un instant, on a pu entendre musique d'accordéon savoyard de gens qu'on connaît tout simplement, une savoyarde qui s'appelle tout simplement de son surnom Véro. Donc un petit coucou avant de débuter l'émission. Donc voilà. Donc voilà, donc j'espère aussi que vous avez passé une bonne matinée. Puis donc on va aussi rester en compagnie pendant quelques heures avec les chansons différentes. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec tout simplement Goldman avec son titre s'appelle Doux. Et puis juste après un duo avec le titre plutôt le groupe qui s'appelle Il était une fois. Des plans de loup-garou, de grand méchant. S'il faut se battre pour que ça vous plaise, malaise. Je vous aimerai pas dans la sueur, genre Stakhanovich du bonheur. La voix mielleuse, alors heureuse. Sable chaud, surf sur les vagues, sale sur la peau. Quand les sourires, gros biscotto, zéro. Et je serai doux, comme un bisou voyou dans le cou. Attentionné. Yeah.

choisi donc Céline Dion. Et puis juste après, on écoutera Mireille Mathieu. Un amour de FM. Regarder mourir sa vie.

acariciara la pluma cada vez que se quisiera escapar. Y que ella por siempre y para siempre de mi mano, pan puede llegar. Una paloma que vino de siempre, a nuestro cielo, por nuestro pecho late. Una paloma que vino tu café, de medio guanajua, la bonne heure d'aimer. Je voudrais te dire que tu es de la même, la petite gitane que j'ai toujours aimé. J'ai tellement rêvé de t'avoir entre mes bras. Juste après, ça c'est David Asseloff avec Je t'aime, Miss, I love you. Living in devotion, it's always like the first time. Let me take a

guapa, mamacita guapa, mamacita guapa, yo te vuelvo loca. Quiero una chica guapa, alta, morena, con el pelo suave. Toca la guitarra, ara, ara, para levantar la gente. Una chica guapa, alta, morena, con el pelo suave. Toca la guitarra, ara, ara, para levantar la gente. Guapara, para, para. Te pones guapa, tú siempre te pones guapa, eres guapa mi amor, tú siempre te pones guapa, tú siempre te pones guapa, tú siempre te pones guapa, eres guapa mi amor. Tu le risque qui l'encourt. Mon corps s'éteint, mon amour, et ne vaut rien sans ton secours. Mon corps est atone, mon amour, et je sens poindre un non-retour. Mon corps s'affaiblit, mon amour, je fais appel à ta bravoure. Mon corps s'engourdit, mon amour, j'appelle tes sens en dernier recours. Pas un credo plus que un amour de la femme.

radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle Lily Harmony. Son titre s'appelle Dans son regard et puis un petit bonjour. Et puis celui d'un de ses chanteurs qu'elle aime beaucoup, c'est Caro. J'ai voyagé de ville en ville, accosté à travers le monde, de quai en quai, de ville en ville, me poser vers d'autres îles, trouver ce bonheur éphémère, je me souviens de mon père, de ses souvenirs d'hier, me disant reste libre et fier. Quand tu ne te sens plus

arc-en-ciel, un amour de la femme. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et quand j'entends ta voix, Entendre tout simplement brillant. Le titre s'appelait Quand je vois tes yeux. Voici donc maintenant Franck Michael avec le souvenir. Le titre s'appelle Le chemin des souvenirs. Je voudrais tellement te revoir. spécial, un amour de la femme. Voici donc Corona et suivi de Hathaway. Les poumons, c'est bon, que c'est rayé, tout m'a dit pour famille. café, n'a pas de frias. Petit passé, il faut brasser, mais nous sommes café là, il faut danser. Je les go devant, je les go derrière. Il tourne, il tourne. Il met son corps devant, il met son corps derrière. Il tourne, il tourne. Je les go devant, je les go derrière. Il tourne, il tourne. Il met son corps devant, il met son corps derrière. Sur les côtes derrière, les tournées, les tournées. Il met son corps devant et son corps derrière. Les tournées, les tournées. Sur les côtes devant, sur les côtes derrière. Les tournées, les tournées. Il met son corps devant et son corps derrière. Les tournées, les tournées. Sur la mer.

enfermeira. Ela linda de morrer, só para eu a poder ver. Finjo a vida inteira esta enfermeira do amor. É pau, pau, pau. Sempre que ela está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor. É pau, pau, pau. Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer. Esta enfermeira do amor. É pau, pau, pau. Sempre que ela está doente, esta enfermeira do amor. É pau, pau, pau. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor. É pau, pau, pau. Só para ir à casa dela, diz que está quase a morrer. Esta enfermeira do amor. É pau, pau, pau. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor. Yeah.

got no home, no place to roam. Haven't got a home, no place to roam. I'm a lonely boy. I ain't got no home. chasse. Ça arrive juste l'automne, les 16 mois de l'année, juste avant Noël, soit arrivé. Hey! On prend des pipi les gars, faire un tour dans le bois, courir après un panache dans le temps de la chasse. Ça te prend un bon télescope sur ton fusil pour tirer 5 gros bugs, la surprise. On prend des pipi les gars, faire un tour dans le bois, courir après un panache dans le temps de la chasse. T'as le vrai bon télescope sur ton fusil pour tirer 5 gros bugs qui t'a surpris. Hey! Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Voici donc qui s'appelle Voice 26 et puis juste après Fangal. Tomorrow is our sailing day. Pay me your coat and share. Pay me my money. cachée à moi. Belle voiture et belle maison. Qui s'appelle Joe Cocker, et puis juste après Marc Lawan, et le titre tout simplement Toi mon amour. Thank you. seulement de toi. Je vole dans le cas. Ah, ah, ah. Avant toi, j'ignorais tout ça. Tu n'en savais pas plus que moi. Toi, mon amour, toi qui allais devenir. Thank you. Arc-en-ciel 96.2. La FM. La FM en couleur. Ladies, disappoint you. Travel across the seas, where other girls can be. And I'ma hold you closely, that way we never, never lonely. We can take flight wherever you want to. Just tell me what you want to. To the beach, Jamaica, Colombia, where I'll take ya. We can come back to Haiti. The girls are driving me crazy. Fuck a little girl by the name Carolyn. Man, she was such a pretty little thing. Beyonce, her and get her the ring. Out in Coney Island, on the merry-go-round. Then we got cotton candy, held hands when we watched the movie. Despite the hard times, we had them sunny days on the Eastern Parkway. Hands up if you love them girls. Jump if you love them girls. I know. Yeah. 96.2 La FM en couleur. Voici donc qui s'appelle Léa Galva avec Joe. Et puis juste après, Noir Désir, un homme précis. Je suis omniprésent, je deviens omniscient. J'ai envahi le monde que je ne connais pas. Peu importe, j'en parle, peu importe, je sais. J'ai les hommes à mes plus 8 milliards potentiels de crétins asservis. À part certains de mes amis du même monde que moi. Vous n'imaginez pas ce qu'ils sont. Je sais faire des affaires, y'en a qui peuvent payer. Je connais le tout Paris et puis le reste aussi. Mes connaissances uniques et leurs femmes que je fréquente évidemment. Les cordons de la bourse se relâchent pour moi. Il n'y a plus de secret, je suis le roi des rois. Explosez le dîme, pulvérisez l'audience. Et qu'est-ce que vous croyez, c'est ma voix, c'est ma chance. J'adore les émissions à la télévision. Pas le temps de regarder, mais c'est moi qui les fais. On crache la nourriture à ses yeux affamés. Vous voyez qu'il demande, nous les savons à vide. De notre pourriture, mieux que de la confiture. À des cochons. C'est cette chanson qu'on va terminer l'émission avec George Michael. Voilà, donc ça veut dire que l'émission touche à sa fin. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne nuit en ma compagnie avec plusieurs chansons différentes. Voilà donc, et bien on se retrouve donc bien vendredi entre 13h30 jusqu'à 16h. Et puis donc aussi dimanche entre 13h30 jusqu'à 16h avec l'accordéon. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes et très bientôt.